Les dents de la mer. Je ne suis pas une adepte de la mastication automatique. Rien ne m'a jamais plus horripilé que la vue d'un charmant minois qui, prenant sa bouche pour un stade de football, et tout en laissant celui-ci largement ouvert au public, occupe son temps à se renvoyer la boule de gomme d'une prémolaire à l'autre. Exceptionnellement cependant, ne voulant pas perdre une belle occasion de laisser parler mon cœur, je me suis forcée un peu pour accepter la friandise que mon bel adolescent de fils me proposait. Me retrouvant aussitôt piégée sous son regard attentif et vigilant. « Attention, pas de triche, interdiction de jeter en loose dé. » Je mastique et remastique l'élastène aliment jusqu'à ce que, de mer promue top, je me transforme en reine déchue et dépourvue de couronne. Celle-là même qui faisait agréablement partie d'un petit quatuor pianistique situé juste à l'avant de ma bouche est témoin privilégié d'une jeunesse quelque peu mouvementée. Aussi me retrouvais-je indente après avoir été infante. Sur le moment, nous sommes dans le train, en plein périple de retour de vacances. Récupérant cette compagne de tant d'années dans le creux de ma main, je la considère un instant. Puis voyant qu'au fond, elle n'est pas à proprement parler cassée, je la replace délicatement sur son habitacle. J'appuie un bon coup et, oh miracle, elle tient toute seule, si bien que je l'oublie jusqu'à la prochaine utilisation le soir au souper. Cette fois, je me retrouve face à mon miroir, regardant la vérité en face. L'image réfléchie me projette des années en arrière dans mes livres d'histoire, quand l'explorateur, arrivé en terre inconnue, rencontre l'indigène souriant de tous ses chicots. Il ne me manque plus que la ceinture de banane et la lance acérée. Par bonheur, mon dentiste peut me recevoir dans 2 jours. Pour une fois, j'essaie d'avoir un réflexe de l'écrivain que je prétends être. J'y vais même de quelques photos. Elle me promet de tirer profit de ces 2 jours afin de faire une étude en règle des différentes impressions que cet incident me procure. Coup de chance pour un auteur. Évoquer l'importance du paraître, du regard des autres, de l'impuissance à remédier à un inconvénient majeur et la prise de conscience de l'utilité de ladite dent dans ma mâchoire. Je me rends compte une fois de plus que la nature est bien faite. Non seulement les dents de devant servent à agrémenter, habiller le sourire séducteur de leur propriétaire, mais en plus elles exercent une fonction de rabattage de la nourriture vers l'arrière de la bouche, indéniablement utile. Retirer cette barrière et les inconvénients s'accumulent. Une sorte de zozotement tout d'abord, de plus en plus perceptible dans le langage, à mesure que celui-ci prend de la vitesse. Puis une maladresse dans la mastication qui la rend relativement malaisée. La nature a définitivement horreur du vide. L'effet produit sur l'entourage immédiat est intéressant aussi. Cris d'orfraie de mon adolescente, regard écœuré de mon adolescent, pourtant co-responsable de mes maux actuels. Je me rends compte que mes petits tiennent à leurs habitudes et que mon clavier en fait partie intégrante. Sortie pour acheter du pain et faire 2 autres courses, je tombe sur ma voisine, qui, me sentant gênée, n'a de cesse de me faire parler, bien que j'ai commencé par lui expliquer la raison de mon embarras. La boulangère, elle, s'en amuse et me raconte à grand renfort de détails que la même mésaventure lui est arrivée. C'est bien, au moins je ne dois pas répondre. Écouter en ce moment me convient tout à fait. De retour à la maison, nous prenons le café et je raconte à mon compagnon les circonstances qui m'ont valu autrefois le remplacement de cette dent parmi 2 ou 3 autres. Je ne peux même pas m'en plaindre. Je l'avais bien cherché, cette mandale-là. Mais je ne regrette pas, cependant, d'avoir réussi à quitter rapidement ce prince charmant au point démonstratif. Par contre, je ne sais pas si c'est le genre de mésaventure que grand-mère ose, devant flambé et chocolat chaud, raconter à ses petits-enfants. Beaucoup de sensations diverses se bousculent dans ma tête au cours de ces 2 jours. La reconnaissance, ou plutôt la gratitude que cela soit arrivé maintenant, alors que j'ai un peu moins de peine à boucler les fins de mois? Mon dentiste d'autrefois ne m'avait-il pas dit « Vous voilà tranquille pour 10 ans ?» Cela fait tout juste 30 ans. je m'en tire bien. La gratitude aussi que cela m'arrive à un temps de ma vie où l'homme qui vit à mes côtés est le plus tolérant, le plus compréhensif que la terre ait porté. Grosse, édentée, chauve, bancale, je sais qu'il m'aimera toujours, il me l'a dit. Et en prendre conscience renforce encore mon élan d'amour. Je constate également que je suis mieux qu'autrefois capable de relativiser. Pas de quoi en faire un plat. Rien qui ne puisse être réparé. Ma beauté légendaire, mon sourire étant mon dernier atout majeur au sein de mes doubles mentons, n'est donc pas définitivement périmée. J'en viens à me louer des progrès de la science. Que serait devenue ma cousine du Moyen-Âge? Il est vrai qu'il y aurait eu peu de chance qu'elle ait atteint mon âge canonique de 53 ans. Mais encore, pas d'implant, pas de greffe, pas de couronne à cette époque, et les conséquences d'une mauvaise mastication sur le transit alimentaire, et les maladies qui en découlent. Ils périrent dans d'atroces souffrances. Voilà les mots mal digérés qui hantèrent les cauchemars de mon enfance. Heureusement, c'était le sort réservé aux méchants. Entre alors sur la scène de ma rêverie le phénomène de la foi. Dieu aurait-il laissé cela arriver, même à une gentille? Mais oui, bien sûr. Pour important que cela puisse paraître à l'échelle individuelle, ça n'en reste pas moins une anecdote aux yeux de la nature, et certainement pas une punition divine, méritée ou non. On m'a dit que Dieu nous aimait tellement qu'il nous a donné le libre arbitre. Libre à nous, donc, de nous entretuer. Il n'est pas là pour intervenir autrement qu'en consolateur, en tout-puissant recolleur de morceaux. Mon dentiste n'est pas tout à fait du même avis, qui en profite pour me soulager d'une bonne centaine d'euros pour un point de colle et 5 minutes de boulot. J'aurais mieux fait de la confier à la petite souris. Je suis sûre qu'elle m'en aurait donné 3 fois 6 sous. Ce texte audio gratuit vous a été lu par son auteur pour audiocité.net. Merci de l'avoir écouté.